Chapitre 37e. Regard jeté vers le midi. La porte de Higgins était encore fermée le lendemain lorsque Mr. Hale et sa fille allèrent visiter la veuve Butcher. Mais cette fois, ils apprirent d'une voisine officieuse qu'il était réellement sorti. Il était cependant, avant de se mettre en course, entré chez Mrs. Butcher, qui n'avait pas paru satisfaite de sa visite. La pauvre femme semblait prendre l'univers entier à partie et lui reprocher le suicide de son mari. Et malheureusement, il y avait dans ses idées à cet égard une ombre de raisons qui les rendait fort difficiles à réfuter. Cependant, tout en compatissant à sa douleur, on voyait avec peine qu'elle pensait uniquement à elle et à sa malheureuse position, et son égoïsme allait jusqu'à lui faire considérer ses enfants comme une charge et un embarras, malgré la tendresse, pour ainsi dire, animale qu'il lui inspirait. Marguerite essaya de faire connaissance avec ses pauvres petits, tandis que son père tâchait de ramener la veuve à des sentiments plus chrétiens et plus élevés. Elle découvrit bientôt que les enfants pleuraient leur père avec un sentiment plus désintéressé que sa veuve. Leur père avait toujours été bon pour eux, et chacun racontait dans son naïf langage quelques traits d'affection ou d'indulgence de leur daddy. « Est-ce que ce qui est là-haut, c'est vraiment lui ?»« Cela ne lui ressemble pourtant pas, » disait l'aîné. « J'en ai peur et je n'ai jamais eu peur de daddy. » Le cœur de Marguerite saigna en apprenant que, dans son égoïste besoin de sympathie, la mère avait montré à ses enfants le corps défiguré de leur père. C'était mêlé le dégoût et l'horreur à l'affliction naturelle qu'ils éprouvaient. Pour chasser de ses jeunes esprits des idées trop lugubres, elle essaya de détourner leurs pensées vers une autre direction. Elle leur parla de ce qu'ils pouvaient faire pour leur mère et ce qui eut sur eux bien plus d'influence de ce que leur père aurait voulu qu'ils fissent. Marguerite eut plus de succès dans son entreprise que Mr. Hale dans la sienne. Les enfants, voyant leur devoir tout près d'eux selon les instructions de Marguerite, commencèrent à s'en acquitter, en faisant, chacun dans la mesure de ses forces, quelques efforts pour nettoyer la chambre et la mettre en ordre. Même Mr. Hale avait proposé des considérations trop élevées et trop abstraites à la pauvre malade. Elle ne pensait pas même aux angoisses qu'avait dû éprouver son mari, avant d'en venir à cette terrible et suprême détermination. Elle ne voyait dans cet événement que la privation de celui qui l'avait soigné, aidé et qui donnait du pain à ses enfants. Elle ne pouvait prendre sur elle d'adorer les décrets de ce Dieu qui n'était pas visiblement intervenu pour empêcher l'eau du ruisseau de noyer son mari. Et quoiqu'intérieurement elle blâmât Butcher de s'être laissée aller au désespoir et qu'elle ne trouvât pas d'excuse à son action insensée, elle se plaignit hautement et amèrement de tous ceux qu'elle supposait avoir de quelque manière contribué à la perte de son mari, les patrons en général, et particulièrement Mr. Thornton, dont la fabrique avait été attaquée par Butcher, et qui, lorsqu'un mandat damné avait été lancé contre lui, l'avait fait retirer. L'union dont Higgins était aux yeux de la pauvre femme la représentation vérité, les enfants si nombreux, si affamés et si bruyants, tout cela constituait une armée d'ennemis personnels auxquels elle reprochait le malheur qui faisait d'elle une pauvre veuve sans appui. Marguerite entendit assez de ces discours déraisonnables pour se décourager complètement, et il lui fut impossible d'égayer son père lorsqu'ils sortirent de cette maison de deuil. C'est la vie casanière des cités qui produit cet effet, dit-elle lorsqu'ils furent de retour. Dans les villes, le mouvement nerveux est accéléré par le bruit, le tumulte et la vitesse qui règnent partout, sans compter l'espèce d'emprisonnement dans des habitations privées d'air, qui à lui seul suffirait pour attrister et pour abattre les forces, au lieu qu'à la campagne, les habitants vivent presque toujours à l'air, grands et petits, hiver comme été. Mais pourtant, il faut bien que les villes soient habitées, et puis à la campagne, on voit des populations qui ont contracté des habitudes d'esprit si calmes qu'elles sont devenues presque fatalistes. C'est vrai. Et je suppose que chaque genre de vie a ses épreuves et ses tentations. Celui qui demeure dans les villes doit trouver une aussi grande difficulté à supporter patiemment et avec résignation les peines de ce monde que l'habitant des campagnes a puisé dans son esprit l'énergie nécessaire pour faire face aux calamités et aux catastrophes imprévues. Tous deux doivent admettre difficilement l'espérance d'une vie à venir. L'un, parce qu'il est pressé de tous côtés par le présent, qui ne lui laisse pas même le loisir de la réflexion. L'autre, parce que son existence tout animale le porte naturellement à n'estimer que les jouissances purement matérielles, et que, ne connaissant pas d'autre genre de bonheur, Il ne se les refusera pas en ce monde pour attendre dans l'autre une félicité qu'il ne saurait apprécier. De sorte que la trop grande tension de l'esprit pour les affaires temporelles et l'apathie stupide de ceux que rien n'émeut conduisent au même résultat par des routes bien différentes. Mais revenons à la pauvre Mrs. Butcher, comme nous avons mal réussi à calmer sa douleur. Et cependant, nous ne la laisserons pas sans secours, parce que nos paroles n'ont pas tout de suite l'effet que nous voudrions. Oh, mon père, que la vie de ce monde est triste. C'est vrai, mon enfant, et surtout pour nous en ce moment. Et pourtant, n'avons-nous pas eu d'heureux instants, même au milieu de nos afflictions? Quel bonheur nous a causé la visite de Frédéric! Oh oui, sans doute, s'écria vivement Marguerite. Quel plaisir, quelle douce jouissance de le voir, et qui nous semblait peut-être plus douce encore parce qu'elle nous était défendue. Une pensée soudaine l'arrêta. Elle s'était gâtée à elle-même et pour toujours, par sa lâcheté, le souvenir de la visite de Frédéric. De tous les défauts, celui qu'elle méprisait le plus dans les autres, c'était le manque de courage, cette faiblesse de cœur qui conduit au mensonge, et elle s'en était rendue coupable. Puis revint, comme toujours, l'idée que Mr. Thornton avait appris sa faute. Elle se demandait si la pensée de la savoir connue de toute autre personne lui causait la moitié autant de peine. Elle essaya, en imagination, comment elle aurait supporté le mépris de sa tante Shaw ou d'Edith, de son père, du capitaine ou de Mr. Lennox, de Frédéric lui-même. Bien que ce fût pour sauver ce dernier qu'elle eût agi, c'était lui qu'elle eût regretté le plus d'en voir instruit, car le frère et la sœur étaient alors sous l'influence d'une affection toute nouvelle, puisqu'ils ne s'étaient pour ainsi dire pas connus auparavant. Mais se voir déchu dans l'opinion même de Frédéric n'était rien auprès de la honte, de la mortelle honte qui s'emparait d'elle à l'idée de se retrouver en présence de Mr. Thornton. Cependant, il lui tardait que cette entrevue eût lieu, qu'elle fût passée, afin de savoir quel ton il prendrait avec elle. Ses joues se couvraient d'une rougeur brûlante au souvenir d'une conversation qui avait eu lieu dans les premiers temps de son séjour à Milton. Elle se rappelait avoir avancé comme un argument contre les professions commerciales, que trop souvent le vendeur fait passer des marchandises d'une qualité inférieure pour des objets de première qualité, et que d'un autre côté, l'acheteur, pour se donner du crédit, se vantait de posséder des ressources qu'il n'avait réellement pas, ou des capitaux imaginaires. Elle voyait encore le regard calme et froid de Mr. Thornton, lui expliquant en peu de mots que dans le commerce bien compris, toute manœuvre frauduleuse tourne à la longue contre celui qui l'emploie, et qu'en considérant les choses simplement au point de vue matériel du succès, toute supercherie est une folie dans le commerce comme partout ailleurs. Elle se souvenait aussi que, forte de sa véracité alors intacte, elle lui avait demandé s'il ne pensait pas qu'acheter au cours le plus bas, pour revendre au cours le plus haut, était une infraction à cette probité exacte qui s'allie si étroitement à l'idée de la vérité. Elle avait ajouté le mot « chevaleresque », que son père avait corrigé en employant le mot « chrétienne ». Puis, il avait pris en main la discussion qu'elle avait écoutée, sans plus s'en mêler, avec une espèce de dédain. Elle n'avait plus le droit, à présent, de se montrer dédaigneuse. Ce n'était plus à elle de faire parade de sentiments chevaleresques. Elle était désormais et pour toujours humiliée, avilie aux yeux de cet homme. Et quand le reverrait-elle? Son cœur bondissait d'appréhension à chaque coup de sonnette, et quand il voyait tout tranquille que ce n'était pas lui, ce même cœur semblait prêt à défaillir. Évidemment, Mr. Hill attendait la visite de Mr. Thornton et s'étonnait de ne pas le voir. L'autre soir, ils avaient agité bien des questions qui n'avaient point été résolues, faute de temps. Mais il avait été convenu que le lendemain, s'il était possible, ou sinon à la première soirée libre, Mr. Thornton viendrait continuer la discussion. Mr. Hale l'avait donc attendu chaque soir. Il n'avait pas encore repris ses leçons, interrompu lorsque la maladie de sa femme était devenue plus grave, de sorte qu'il se trouvait du loisir, et le grave et récent événement du suicide de Butcher l'avait porté à réfléchir plus que jamais. Il fut agité toute la soirée. À chaque instant, il disait « Je comptais bien sur Mr. Thornton. Je crois que le domestique qui a porté le livre l'autre soir avait un billet qu'il aura oublié de remettre en même temps. Croyez-vous qu'aujourd'hui il ait envoyé un message ?»« Je vais m'en informer, mon père, » dit Marguerite, après que deux ou trois fois il fut revenu sur la même idée. « Attendez, on sonne. » et elle se rassit aussitôt et courba attentivement la tête sur son ouvrage. Elle entendit monter l'escalier, mais il n'y avait qu'une personne, et elle reconnut le pas de Dixon. Elle leva la tête en soupirant, essayant de croire qu'elle était contente. « C'est cet Higgins, monsieur. Il va vous parler, ou à Miss Hale, ou peut-être à Miss Hale d'abord, et à vous ensuite, monsieur, car il est tout drôle. Faites-le monter, Dixon. Il nous verra tous les deux, et il choisira celui auquel il veut parler. » Très bien, monsieur. Ce n'est pas que j'ai envie d'entendre ce qu'il a à vous dire, au moins, mais si vous aviez vu ses souliers, je suis sûr que vous trouveriez qu'il vaut mieux le recevoir à la cuisine. Il les essuiera, je suppose, dit Mr. Hale. Dixon s'en alla d'assez mauvaise humeur et dit à Higgins de monter. Elle s'adoucit un peu néanmoins lorsqu'elle le vit regarder ses pieds avec hésitation, puis s'asseoir sur la première marche de l'escalier, ôter ses souliers crottés et monter sans dire une parole. Serviteur, dit-il en entrant, lissant ses cheveux avec sa main du mieux qu'il lui était possible. « Vous m'excuserez, » continua-t-il en s'adressant à Marguerite, « si je viens sans souliers. C'est que, voyez-vous, j'ai couru toute la journée et les rues ne sont pas des plus propres. » Marguerite mit sur le compte de la fatigue le changement qu'elle remarquait dans les allures de leur protégé, qui paraissait ce soir-là beaucoup plus tranquille que d'habitude. Il était évidemment embarrassé pour expliquer ce qu'il avait à dire. La sympathie toujours bienveillante de Mr. Hale vint en aide à la timide hésitation du tisserand. On apportera le thé tout à l'heure, et vous en prendrez une tasse avec nous, Monsieur Higgins. Vous devez être bien fatigué si vous avez fait des courses par cette journée pluvieuse. Marguerite, mon enfant, pressez un peu les apprêts du thé. Le seul moyen qu'eut Marguerite de presser les apprêts, c'était de s'en charger elle-même, et cela blessa grandement Dixon, qui, commençant à se réveiller de la douleur que lui avait causée la mort de sa maîtresse, était plus irritable et plus susceptible qu'auparavant. Marthe, ainsi que tous ceux qui se trouvaient en contact avec Marguerite, sans même en excepter Dixon dans ses bons moments, étaient fiers et heureuses de faire quelque chose pour elle, et sa promptitude à exécuter les ordres de sa jeune maîtresse et la patience avec laquelle Marguerite supporta l'humeur de Dixon rendirent bientôt cette dernière honteuse de sa boutade. « C'est vrai aussi. Monsieur et vous faites toujours monter les gens du commun. Depuis que nous sommes à Milton, je n'y comprends plus rien. À Hailstone, ce monde-là n'allait pas plus haut que la cuisine. Et j'en ai vu plus d'un qui se trouvait honoré d'y être. » Il semblait sans doute plus facile à Higgins de s'ouvrir à une seule personne qu'à deux. Car aussitôt que Marguerite fut sortie, il alla à la porte pour s'assurer qu'elle était fermée, puis revenant se placer tout près de Mr. Hale. « Monsieur, vous ne devineriez jamais pourquoi j'ai couru toute la journée, surtout si vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier. Eh bien, j'ai été demandé de l'ouvrage. Oui, vraiment, j'ai fait cela. Je m'étais bien promis d'avance que je répondrais toujours civilement, quand même on me dirait des duretés, et que je me couperais la langue avec les dents plutôt que de parler sans réflexion. Et tout cela, c'est pour cet homme. Vous comprenez ? Ajouta-t-il en faisant claquer son pouce d'une certaine manière. « Non, vraiment, je ne comprends pas, » reprit Mr. Hale, voyant que Higgins attendait un signe quelconque d'adhésion et n'ayant aucune idée de ce que pouvait être cet homme. « Celui qui est couché là-bas, » dit Higgins en recommençant le même geste. « Celui qui allait se noyer, le pauvre diable. » « Non, je n'aurais jamais cru qu'il eût assez de cœur et de courage pour rester si résolument la face dans l'eau jusqu'à la mort. « Butcher, enfin. » « Oui, je comprends maintenant. » « Reprenez où vous en étiez. Vous disiez que vous ne parleriez pas sans réfléchir. »« Oui, pour lui. » « C'est-à-dire pas précisément pour lui, car n'importe où il est maintenant. Il ne souffre plus de la faim ni du froid, mais pour sa femme et pour ses marmots. »« Dieu vous bénira, » dit Mr. Hale en se levant précipitamment, puis, se rasseyant, il dit d'une voix émue. « Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. »« Je vous l'ai dit, » fait Higgins, un peu surpris de l'agitation de Mr. Hale. « Je n'aurais jamais demandé de l'ouvrage pour moi, mais il a laissé sa famille à ma charge. Je comptais le conduire à une meilleure fin, mais c'est moi qui l'ai mis sur la route et je dois en répondre. » Mistel saisit la main de Higgins et la serra avec force, mais sans parler. Higgins était honteux et embarrassé. « Là, là, monsieur, il n'y a pas un être qui mérite le nom d'homme qui n'eût fait autant à ma place et mieux sans doute, car aussi vrai que je le dis, « je n'ai pu obtenir un brin d'ouvrage, ni seulement l'espoir d'en avoir. »« J'ai pourtant bien prié Hamper. j'aurais fait tout ce qu'il aurait voulu, excepté cette promesse. Par exemple, que je ne signerais jamais. Il n'aurait jamais eu un si bon ouvrier dans sa fabrique. Eh bien, il n'a pas voulu de moi, ni les autres non plus. Je suis pour eux comme une bête noire. Les marmots peuvent mourir de faim sans que je vienne à leur secours, à moins que vous ne m'aidiez, monsieur le curé. Vous aider? Et comment? Ce serait bien volontiers, mais que puis-je faire? Miss, que voilà, car Marguerite était rentrée dans la chambre et l'écoutait attentivement, m'a dit tout plein de belles choses du midi et de ce qui s'y fait. Je ne sais pas si c'est bien loin d'ici, mais j'ai réfléchi que si je pouvais les mener là où les vivres sont à bon marché, où on donne de bons gages et où tout le monde est d'accord, riche et pauvre, patron et ouvrier, maître et domestique, vous pourriez peut-être m'y procurer de l'ouvrage. Je n'ai pas 45 ans et je ne manque pas de force, monsieur. Mais quelle sorte d'ouvrage feriez-vous bien, mon brave? Dame, mais avis que je pourrais bêcher un brin. Et pour cela, dit Marguerite en s'avançant, pour cela ou pour d'autres choses que vous pourriez faire, Higgins, vous gagneriez 9 shillings par semaine, peut-être 10, tout au plus. Les vivres sont à peu près au même prix qu'ici, si ce n'est que vous pourriez avoir un petit jardin. Les marmots y travailleraient, dit Higgins. Dans tous les cas, j'en ai assez de Milton, et Milton a assez de moi. Malgré cela, dit Marguerite, n'allez pas dans le midi. Vous ne pourriez résister au genre de vie qu'on y mène. Il vous faudrait être dehors par tous les temps. Vous seriez bientôt perclus de rhumatisme. Un rude travail de corps à votre âge vous épuiserait bientôt. Puis, dans ce pays, la nourriture est bien différente de celle à laquelle vous êtes accoutumé. Je n'ai jamais été sur ma bouche, dit Nicolas, d'un air piqué. Mais vous êtes habitué à manger de la viande de boucherie tous les jours, quand vous avez de l'ouvrage, et avec tous ces enfants à nourrir. Je vous demande si vos 10 shillings vous mèneraient loin. Je dois, en conscience, vous éclairer, et vous faire voir les choses telles qu'elles sont. Puisque c'est ce que vous m'avez entendu dire qui vous a mis cette idée dans la tête. Vous vous ennuyeriez à mourir là-bas. Vous ne savez pas ce que c'est. Une vie monotone comme celle-là vous rongerait comme la rouille. Ceux qui ont vécu dans ces contrées depuis leur enfance sont habitués à ces terrains marécageux. Ils travaillent jour après jour dans des champs remplis d'épaisses vapeurs, sans jamais parler ou lever leur pauvre tête sans cesse courbée vers la terre. Ce rude labeur corporel empêche celui de l'esprit. La monotonie de leurs tâches quotidiennes tue en eux l'imagination. Ils ne songent pas, après leur pénible journée, à se rassembler pour échanger avec d'autres êtres de leur espèce quelques idées, quelques paroles sur n'importe quel sujet, non. Ils rentrent au logis fatigués comme des bêtes brutes, les pauvres gens, et ne demandent autre chose au monde que la nourriture et leur peau. Vous ne pourriez former là aucune de ces amitiés, de ces camaraderies qui viennent vous trouver dans une ville aussi librement que l'air que vous respirez. Je ne sais si ces sociétés sont un bien ou un mal, mais ce que je sais, c'est que, de tous les hommes que j'ai vus, vous êtes le moins propre à mener une telle vie au milieu de tels compagnons. Ce qui fait leur paix et leur tranquillité vous serait un perpétuel sujet de tourment. N'y pensez plus, Nicolas, je vous en conjure. D'ailleurs, vous ne pourriez jamais payer les frais du voyage pour la mère et les enfants. C'est ce qui me rassure un peu. J'y ai pensé. Nous demeurerions tous ensemble et le mobilier d'un seul ménage nous suffirait. Celui de l'autre paierait la dépense du déplacement. Et les gens de ce pays-là, il faut pourtant bien qu'ils fassent vivre leur famille. Il y en a sans doute aussi qui ont 6 ou 7 marmots à nourrir. Dieu leur vienne en aide, s'écria-t-il, mieux convaincu par ses propres réflexions que par tout ce qu'avait dit Marguerite, et renonçant soudain à l'idée récemment éclose dans son cerveau épuisé par la fatigue et les anxiétés de la journée. Dieu leur vienne en aide. Le nord et le midi ont tous deux leurs tourments. Si l'ouvrage est sûr et certain là-bas, on ne les paye pas assez pour empêcher les pauvres diables de mourir de faim. Tandis qu'ici, nous avons pendant un mois plus d'argent qu'il ne nous en faut, et puis pas un liard le mois d'ensuite. Pour sûr, le monde est dans une confusion qui me passe, et je défie âme qui vive d'y rien comprendre. Il a bon besoin d'être remis en ordre, et qu'il y remettra, si c'est comme le disent aucun, et s'il n'y a pas autre chose que ce que nous voyons. Mr. Hale était très occupé à faire et à couper des tartines de pain et de beurre. Marguerite n'en fut pas fâchée, car elle vit qu'il valait mieux pour Higgins être laissé à lui-même que si son père commençait à vouloir combattre ses raisonnements. Si doucement qu'il s'y prit, Higgins se croyait obligé à les soutenir. Elle causa avec son père sur des sujets indifférents, tandis que le pauvre tisserand, sans savoir seulement s'il mangeait, faisait un repas substantiel. Lorsqu'il eut fini, Il recula sa chaise de la table, essaya de se mêler à la conversation, mais en vain. Il retomba dans ses réflexions. Soudain, Marguerite, à qui cette pensée était déjà venue, mais qui n'avait pu jusqu'ici parvenir à la formuler, lui dit « Higgins, avez-vous été demandé de l'ouvrage à Marlborough Mills ?»« Chez Thornton ?»« Oui, j'y suis allé. » »« Et qu'a-t-il dit ?»« Ce n'est pas un compagnon de mon espèce qu'on laisse parvenir jusqu'au chef. Le contremaître m'a envoyé à tous les diables. » « Je voudrais que vous eussiez vu, Mr. Thornton, » dit Mr. Hale. « Il aurait pu ne pas vous donner d'ouvrage, mais à coup sûr, il n'aurait pas employé un tel langage. »« Quant au langage, j'y suis fait, et ce n'est pas cela qui me tracasse. Moi-même, quand je ne suis pas de bonne humeur, je ne mets pas de mitaine pour parler aux gens. Ce qui m'a donné du tintouin, c'est que là, comme partout ailleurs, il n'y avait pas d'ouvrage pour moi. »« C'est égal, j'aimerais mieux que vous eussiez parlé à Mr. Thornton lui-même, » reprit Marguerite. Auriez-vous le courage d'y retourner? Je sens que c'est vous demander beaucoup, mais enfin. Voulez-vous y retourner demain et tâcher de le voir? Cela me ferait tant de plaisir. J'ai bien peur que cela ne serve à rien, dit Mr. Hale à voix basse. Il vaudrait mieux que je lui parlasse moi-même. Marguerite regardait toujours Higgins et attendait sa réponse. Il était bien difficile de résister à l'influence de ses yeux si doux et si beaux. Nicolas poussa un grand soupir. « Si c'était pour moi, je n'en ferais rien, car c'est une fameuse humiliation. Et je jeûnerais longtemps avant d'en venir là. J'aimerais mieux lui donner un bon coup de poing que d'aller lui quêter de l'ouvrage. J'aime mieux être fustigé. Mais vous n'êtes pas une fille ordinaire. Et pardon si je vous compare aux autres, vous savez vous y prendre mieux que personne pour persuader votre monde. Ainsi, tout en faisant la grimace, j'irai demain pour vous complaire. Mais ne croyez pas qu'il m'emploiera. » Cet homme-là se laisserait brûler sur un bûcher plutôt que de céder. Je le ferai pour vous, Miss Hale. Et c'est la première fois de ma vie que je me laisse conduire par une femme. Ni ma pauvre défunte, ni Bess n'ont jamais pu se vanter de cela. Je vous en ai d'autant plus d'obligation, dit Marguerite en souriant. Quoique pourtant je ne vous crois pas. Je suis sûr que vous vous êtes laissé influencer par votre femme et votre fille, tout comme les autres. Quant à Mr. Thornton, dit Mr. Hale, « je vous donnerai pour lui un mot de recommandation qui, j'en suis sûr, vous fera écouter favorablement. »« Je vous remercie de tout mon cœur, monsieur. Mais j'aime autant me présenter sans recommandation. Je ne puis digérer l'idée de faire demander une grâce par quelqu'un qui ne sait pas le fort et le faible de la querelle. Vouloir se mettre entre le maître et l'ouvrier, c'est comme se mêler des querelles d'un mari et d'une femme. C'est mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce, et cela fait souvent plus de mal que de bien. Demain, j'irai monter la garde à la porte. » J'y serai à 6 heures du matin, et j'y resterai jusqu'à ce que je le voie. Mais j'aimerais autant balayer les rues, si les mendiants n'avaient pas cet outrage à eux seuls. N'ayez aucun espoir, miss. Autant vaudrait espérer tirer du lait d'une pierre à feu. Bien des remerciements tout de même, et bonne nuit. Vous trouverez vos souliers près du feu de la cuisine. Je les ai mis là pour qu'ils sèchent. Il se retourna et la regarda fixement, puis il passa sa main osseuse sur ses yeux et sortit. « Que cet homme est fier, » dit Mr. Hale, un peu blessé de la façon dont Higgins avait refusé son intervention auprès de Mr. Thornton. « Oui, » dit Marguerite, « mais avec sa fierté, quelle étoffe il y a en lui !» Il est curieux de voir combien il respecte évidemment de Mr. Thornton la partie de son caractère qui ressemble au sien propre. « Il y a du granit dans tous ces gens du Nord, ne trouvez-vous pas, papa ?» Il n'y en avait pas dans ce pauvre butcher, ni dans sa femme non plus. Je croirais, d'après leur accent, qu'ils sont de souche irlandaise. Je voudrais bien savoir s'il réussira demain. Si seulement Mr. Thornton et lui s'expliquaient tranquillement. Si Higgins oubliait que Mr. Thornton est un maître, et qu'il lui parla comme à nous. Et si Mr. Thornton avait assez de patience pour l'écouter avec son cœur d'homme, non avec ses oreilles de chef de fabrique. Vous commencez enfin à rendre justice à Mr. Thornton, Marguerite ? Lui dit son père en lui pinçant légèrement l'oreille. Marguerite voulut répondre, mais la voix s'arrêta dans son gosier. « Oh ! Pensa-t-elle, que ne suis-je un homme ? J'irai le trouver. Je le forcerai à me dire tout le mal qu'il pense de moi, et je lui dirai franchement mon tour que je sais bien que je le mérite. Il est dur de perdre un ami, juste au moment où on commence à l'apprécier. » Comme il a été bon pour ma pauvre mère. Rien que pour sa mémoire, je voudrais qu'il vînt. Je verrai au moins alors jusqu'à quel point il me méprise.